te ka pale, mwen men panse Sote, ki fè nou kante Pate ni fami, ou detwi nou Alors fais-moi plus confiance Pour l'amour nous pas tomber Après mauvaise et à deux Pour découvrir qui mon aïe En Paris mettre ma genou Pour espimer l'amour moins doux Pour trouver une solution Pour nous vivre en amour passion